Just version with the harmonica I have, I do not sing. I would like to just version with the harmonica I have, I do not sing. J'aimerais bien de version juste avec l'harmonica, bah, je ne chante pas. Ok. Just for you, harmonica. Je ne comprends pas. Ok. Une version avec les instruments sans la voix. Are you ready to sing? I just want to learn harmonica. Ok. Jouer toute la mélodie. Je ne sais pas le note correct. Ok. Café.